as sans doute des hallucinations. Ne prends pas tant d'aspirine, consomme moins de margarine. Tu dois être une victime de la société, sinon pourquoi serais-tu en train d'écouter de la musique de drogués? Tu crois entendre la basse-cour, ton imagination te joue des tours. Vas-y moins fort sur le tofu et ne mange pas tant de viande crue. Et qu'est-ce que c'est sens des policiers? Ne va pas pour autant te cacher, ce n'est pas pour ton arrestation, ça fait partie de la chanson. Tu dois être une victime de la société, sinon pourquoi serais-tu en train d'écouter de la musique de droguée?